je t'entends, mais je n'écoute pas ce qui sort de ta bouche. Impossible, inaccessible, pour moi c'est tabou. Stop, stop, quand je sais que c'est interdit. J'ai tendance à vouloir braver l'interdit. Je te suivrai, bébé, tu me verras partout. À ce jeu, souvent, je suis le dernier debout. Stop, stop, quand je sais que c'est interdit. J'ai tendance à vouloir braver l'interdit. Sauver, sauver, quand je sais que c'est interdit. Ah, j'ai tendance à vouloir braver l'interdit. Sauver, sauver, quand je sais que c'est interdit. Oh, hola señorita, dime cómo está. Je commence par te voler un sourire, mais tes premiers mots sont tu veux toujours courir. Abandonner, laisser tomber, ça ne paye pas. Moi je préfère continuer de courir. Et vu mon endurance, tu ne pourras pas fuir. Et ne pars pas si vite, vite. On n'a qu'une seule vie, vie. Si désolé, donne-moi la main, toi devenir funky. Et je sais que tu te dis, dis encore un homme stupide. Oui, que je suis dans un rôle. Et demain j'irai voir une autre fille. Je t'entends, mais je n'écoute pas ce qui sort de ta bouche. Impossible, inaccessible, pour moi c'est tabou. Stop, stop, quand je sais que c'est interdit. J'ai tendance à vouloir braver l'interdit. Je te suivrai, bébé, tu me verras partout. À ce jeu, souvent, je suis le dernier debout. Stop, stop, quand je sais que c'est interdit. J'ai tendance à vouloir braver l'interdit. Sauver, sauver, quand je sais que c'est interdit. Ah, j'ai tendance à vouloir braver l'interdit. Faire aucune erreur, j'ai pris le temps de tout analyser. Tu peux me fixer jusqu'à demain, tu me feras pas peur. Je suis grave sincère, je fais pas l'acteur. Tu n'as qu'à me laisser essayer. Je suis sûr que je pourrais t'aimer fort. Je suis sûr que tu pourrais m'aimer fort. J'ai aussi des qualités que tu verrais si tu veux me suivre. Je pense être de taille, aïe, où tu veux qu'on s'en aille. Aïe, pour te prouver que ce n'était pas des démons. Mais je t'entends, mais je n'écoute pas ce qui sort de ta bouche. Impossible, inaccessible, pour moi c'est tabou. Stop, stop, quand je sais que c'est interdit. J'ai tendance à vouloir braver l'interdit. Je te suivrai, bébé, tu me verras partout. À ce jeu, souvent, je suis le dernier debout. Stop, stop, quand je sais que c'est interdit. J'ai tendance à vouloir braver l'interdit. Sauver, sauver quand je sais que c'est interdit. Ah, j'ai tendance à vouloir braver l'interdit. Sauver, sauver quand je sais que c'est interdit. Oh, j'aurai ton numéro avant d'arriver. J'aurai ton cœur bébé sur la ligne d'arrivée. Avant d'arriver, je veux ton cœur bébé sur la ligne d'arrivée.